Chapitre 34e. La pince et le harpon. Ceux-ci l'entraînèrent dans un autre débit dans le genre de la baleine. Les quatre amis occupèrent dans le fond de cet assommoir une table et commandèrent des alcools. L'ami, après s'être assuré que personne parmi les voisins de table ne pouvait l'entendre, commença aussitôt. « C'est entendu. Entre affiliés à Zygomar, entre Z, on ne doit pas chercher à savoir qui on est dans la vie. »« Oui, » fit Paulin Broquet, « ça vaut mieux. » « Moi, je suis chez les Z, le 1, mon camarade, le 2. Moi, dit le détective, et mon compagnon, nous sommes seulement des Z. Et même, il n'y a pas longtemps que nous sommes des Z. Des camarades qui travaillaient pour Zygomar depuis longtemps nous ont engagés parce que nous sommes du quartier, depuis seulement que la Barbotière est rue Genasse. » Le 1 sourit. « Oh, alors vous n'avez pas dû faire beaucoup d'affaires. Pas des masses, c'est vrai. « Comment que tu t'appelles ?» demanda le 1. « J'ai pas de nom, tu sais pourquoi. »« Oui, c'est ça. » On me connaît seulement sous le nom de la pince, parce que ma spécialité, c'était de pincer au passage ce qui se trouve aux étalages ou dans les poches. Bon. Mon camarade, c'est le harpon, parce que lui aussi, il pique sur ce qui est bon à prendre. Ainsi, maintenant, les présentations étaient faites. Le 1, le 2, la pince et le harpon formaient un petit comité. Paulin Broquet attendait encore les confidences de ses amis. Le 1, d'ailleurs, ne se fit pas prier pour parler. Il était vraiment monté contre son chef, contre Zygomar, et le 2 partageait absolument son opinion. « Nous perdons notre temps, » commença-t-il. Et maintenant, il ne cherchait plus à parler argot. « Je crois qu'il n'y a plus rien à faire avec Zygomar. Nous sommes beaucoup qui voulons le lâcher, former une nouvelle bande. On m'a chargé de réunir ceux qui, comme nous, sont mécontents et sont fatigués de travailler pour rien. Voulez-vous être avec nous ?» Comme la pince et le harpon ne répondaient pas, le 1 redemanda. « Voulez-vous être avec nous ?»« Faudra voir, » fit Paulin Broquet. « Écoute, mon vieux, deux et moi, nous sommes les assesseurs. C'est nous qui portons la cagoule noire dans les séances. Ah ? Oui, moi, je suis le premier assesseur, le 1, mon camarade, le 2e, le 2. C'est par nous que Zygomar est en relation avec ses hommes et que les hommes peuvent communiquer avec Zygomar. Alors, vous le connaissez ? Vous l'avez vu ? Non, jamais. Zygomar ne se montre qu'avec la cagoule rouge aux grands aides en or et nous ne l'avons jamais vu autrement, même quand nous ne sommes qu'en comité de chef. Alors personne ne sait qui est Zygomar. Personne. Et c'est tant mieux pour ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Demander des comptes à Zygomar. Et s'il ne verse pas ce qu'il a promis, lui dire de donner sa démission. Et nous nommerons un nouveau chef, plus hardi, plus entreprenant, qui fera au moins quelque chose. Cependant, Zygomar n'a pas mal travaillé. Allons donc! Nous étions, deux et moi, de presque toutes les affaires. Ça a toujours claqué. On a reçu des coups pour rien. Pourquoi? Paulin Broquet a tout empêché. « Paulin Broquet, » s'écria le détective, « allons donc. Il y a bien l'affaire du collier de la baronne Vancambre qui a réussi, puis l'affaire de la banque Montreuil, celle du château de Briailles, dernièrement encore l'histoire du cirque, la rivière de Messiden et de Rosa de la Huerte, oui. « Je connais ça, » fit Paulin Broquet, dit la pince. « Nous aussi, mais si ces affaires ont réussi, personne quand même n'a eu l'argent, non. Deux, qui est le comptable, n'a rien enregistré. Nous pensons que c'est parce que Zygomar, quand il fait une bonne affaire, garde tout pour lui. Il a peut-être manqué ses affaires. Alors il ne devrait pas annoncer le triomphe. C'est juste. Parbleu. Si Zygomar est vainqueur, qu'il verse. Et qu'il ne nous fasse pas dire « Zallume » sans nous éclairer un peu mieux. Ça, c'est vrai, déclara sérieusement la pince. Bref, ça va si mal en ce moment que nous pensons tous qu'il y a un changement dans Zygomar. Nous croyons que Zygomar a été escamoté par Paulin Broquet. Et que c'est n'importe qui, un de ses lieutenants en cagoule rouge, qui a pris sa place. C'est possible. Oui, mais ça ne fait pas notre compte. Et nous sommes décidés, ceux qui marchent avec moi, avec nous, deux et moi, à renverser ce Zygomar pour en élire un nouveau. Ça sera le 1. On verra. Dans tous les cas, ça marcherait autrement pour tous. En attendant, ma vieille lapince et toi le harpon, il faut dire, samedi, puisque c'est samedi la grande assemblée, à tous les camarades de marcher avec nous. Ça va. « On y viendra, nous deux. Pas vrai, le harpon ?»« Oui, la pince. » Le 1 réfléchissait. Il dit « Tiens, une idée. Samedi, on va se retrouver tous les quatre avant la séance. »« Où ça ?» demanda Paulin Broquet. « À la baleine, dans le couloir des patates. C'est deux et moi qui occuperons le cabinet où se trouve l'entrée. »« Ah, c'est toi et le 2. Nous sommes les assesseurs en capuche noire. Nous ne laissons passer que les hommes dont nous sommes sûrs, que nous connaissons. »« Ça, c'est prudent. On a toujours peur que cet animal de Paulin Broquet ne fasse... » Mais alors avec des hommes à lui, comme à la Barbotière de Clichy ou chez Ulma. Ah, il faut l'avoir à l'œil. Et on l'a, mon vieux lapince, on l'a, nous deux. Tant mieux. Le 1 donna encore à son nouvel ami, dont vraiment il ne soupçonnait pas la qualité, qu'il prenait absolument pour un malandrin véritable, quelques détails sur le service dont il était chargé, sur la consigne, sur la façon d'agir, de remplir ses fonctions. Cet homme, évidemment, voulait conquérir la voie de la pince et du harpon. Il tenait à les compter par ses partisans et il devait depuis longtemps déjà faire campagne contre le zygomare dont il n'était pas satisfait. D'ailleurs, il exprima très franchement son admiration pour le zygomare d'autrefois et son grand désir de voir le zygomare actuel ou de changer de manière d'être ou laisser la place à un autre. À présent, la pince et le harpon semblaient, à force de verre, partager l'opinion de un et être devenus ses plus chauds partisans. Les quatre nouveaux amis se séparèrent comme le jour commençait à mettre la magie de son rose sur les ignobles toits du quartier épouvantable. Sortant du débit infâme, le prince et le harpon titubaient comme le 1 et le 2, ils semblaient ivres. C'était pour eux le clair matin des bons pochards. Les amis, avec effusion, leurs pâteuses et au quai, se jurèrent une amitié éternelle, se firent des serments de fidélité et se donnèrent encore rendez-vous pour samedi prochain. Puis ils se séparèrent. Le 1 et le 2 prirent chacun par une rue. Ils ne remarquèrent pas qu'à quelques pas d'eux suivait un homme. Sur les pas de 1 se trouvait l'amorce et ma pipe allait sur ceux de 2. Paulin Broquet se rendit à pied vers la Seine. Dans une des ruelles qui aboutissent au quai, un fiacre passait. Le détective et son lieutenant firent signe au cocher. Ils montèrent dans le fiacre et comme le cocher n'était autre que Simon, ils gagnaient peu après, non loin de la Halle aux Vins, une sorte d'estaminet au rendez-vous des Bourguignons. Ils entrèrent dans cet établissement, montèrent par un escalier en colimaçon au premier. Un quart d'heure après, ils descendaient, ayant absolument modifié leur physionomie, changé de costume, étant devenus tout à fait méconnaissables. Ils sortirent l'un après l'autre du rendez-vous des Bourguignons, dont le tenancier était au service de la sûreté, et par des chemins différents, gagnèrent leur domicile de la rue Rodier. Comme il en avait l'habitude avant de rentrer chez lui, Gabriel passa chez son chef qui l'attendait. « Eh bien ?» lui demanda à brûle-pourpoint Paulin Broquet. « Eh bien, mon garçon, as-tu reconnu les patates au salon ?»« Chef, à vrai dire, j'ai vu, je crois, mais je n'ose dire que j'ai bien reconnu. Les trois hommes qui ont traversé la fourgue en faisant le signe, ce sont les gens du cirque et de chez Martins ?»« Parfaitement. Les deux amoureux du dernier salon, c'était la femme rousse. »« La femme rousse ?» s'écria Gabriel stupéfait. « Celle de la place Clichy, celle du jour de l'assassinat de cette pauvre petite Bianca. » Et l'homme avec qui elle jouait cette comédie d'amour, c'était notre ami le champion du macaroni, Fungetti, lui-même. Voilà donc où ce clown vertueux est rangé, cet homme exemplaire, passe ses soirées, dans un salon de l'antre de Fricard, à la baleine de la rue Jonas. Et Paulin Broquet ajouta, « Maintenant, tout s'éclaircit. Je comprends. Je vois pourquoi le soir où Fungetti nous faisait un si intéressant récit de son accident, nous contait l'histoire de son macaroni bouillant. Je vois pourquoi. » Fungetti avait sur lui des relents délicieux du parfum de la femme rousse, du parfum que ne porte plus Miss Hidden. Fungetti avait vu la femme rousse de la place de Clichy, ou quelqu'un venant de chez elle, ayant passé quelques instants près d'elle, ou Fungetti lui-même s'était trouvé chez elle ou avec elle, assez de temps pour s'imprégner de ce parfum étrange, délicieux, qu'on peut distinguer entre tous. Mais alors, ce Fungetti est bien ce que vous avez toujours pensé. Oui, c'est un affilié de la bande des Z. Paulin Broquet ajouta, « Veux-tu mon avis, hein, mon garçon ?»« Oui, chef. »« Eh bien, c'est grâce à Fungetti que l'entreprise du faux pompier a pu réussir. C'est Fungetti qui a pu, sans éveiller les soupçons, s'approcher du tableau de distribution de l'éclairage et éteindre pour un moment les lampes du couloir au bout duquel veille la brave maman Frisette. C'est Fungetti qui a favorisé ainsi le coup de main du cambriolage des loges de Rosa et de Miss Eden, qui est cause de la mort de la petite Bretonne et de cette pauvre Bianca. » Paulin Broquet ajouta « Voilà mon opinion, mon garçon. Reste maintenant à trouver le moyen de pincer Fungetti. » Il conclut en riant « Je crois que c'est le macaroni qui nous le fournira. »